France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de Culture Science, la série des sciences, la série scientifique tous les jours, maintenant dans ce nouvel horaire de 16h, sur France Culture, toujours en direct de la Maison Ronde, du studio numéro 1. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, eh bien, nous voyageons très lointainement, puisque nous allons à la rencontre de Pluton l'excentré, la bizarroïde, qui s'est fait déclasser Pluton et ses satellites. Et nous regardons quelques points d'histoire aussi, et cela avec deux invités, Jean Audouze, qui est l'auteur avec Johan Kieken d'un ouvrage intitulé « Les secrets du cosmos » où il passe en revue l'histoire de sa discipline et arrive aussi bien sûr à la modernité de cette discipline. Bref, de Kepler, voire Galilée avant, même des Égyptiens, puisque les choses commencent avec eux, et Babylone. Et puis François Forgette, qui lui est astrophysicien, qui travaille au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et qui a collaboré sur cette sonde de la NASA qui est partie à la rencontre de Pluton. Mais nous n'allons pas perdre nos habitudes. Tout de suite, la chronique d'Imalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le manchot, et plus exactement le manchot royal, alias Aptenonides patagonicus. Aptenonides patagonicus. On pourrait croire que les animaux confrontés aux rigueurs des 40e rugissant dans l'océan subantarctique accueillent avec bonheur le moindre signe de réchauffement de la planète. Pour le manchot royal, dont plusieurs colonies ont élu domicile dans l'archipel de Crozet, il n'en est rien. Cet oiseau pourrait pâtir d'une hausse des températures dans sa zone de chasse si les épisodes et les effets récents du réchauffement se confirment. Des scientifiques ont montré ainsi que des anomalies climatiques à grande échelle peuvent affecter la recherche de nourriture et la démographie de notre manchot, qui picota un jour nos micros dans l'île de Crozet, justement. Pour mettre en évidence ces conséquences, les chercheurs se sont cette fois appuyés sur un jeu de données le plus long, on peut dire, du monde, concernant ces prédateurs. Depuis 1992, entre 6 et 15 manchots sur l'île de la Possession, en face de l'île de Crozet, sont équipés, chaque été austral, de capteurs qui permettent de suivre leur déplacement, leur plongée, et même le niveau de leur prise alimentaire. La particularité de leur nourriture, ce sont les poissons lanternes des myctophidés qui assurent donc l'essentiel de la subsistance de ces manchots royaux. Cette base de données a été mise en regard avec des relevés satellitaires, eux, effectués entre 1992 et 2010. Et ces relevés donnaient des indications sur le déplacement nord-sud du front polaire. Front polaire, cette zone de rencontre entre des eaux chaudes venues du nord et des masses froides de l'océan subantarctique. Cette zone se caractérise par une profusion de vie marine. Les manchots y ingurgitent en moyenne deux fois plus de proies à chaque plongée que pendant leur transit vers cette région très poissonneuse. Les chercheurs ont alors constaté qu'en 1997, une hausse anormale des températures des eaux de surface, centrée justement sur l'archipel de Crozet, avait repoussé ce front polaire loin, plus loin vers le sud. Les distances moyennes parcourues par les manchots élevant un poussin au cours de cet été, 600 km en moyenne, ont doublé, je dis bien doublé, par rapport aux années habituelles. Ces manchots devaient plonger jusqu'à 170 mètres de profondeur, soit 30 mètres de plus qu'habituellement pour trouver leur pitance. Pour nombre d'entre eux, cet été, là, a été bien sûr meurtrier. La population reproductrice a chuté de 34%, et il y a fallu 5 ans pour qu'elle retrouve son niveau antérieur. Cette hausse de 2 à 3 degrés observée en 1997 à Crozet correspond à ce que les scénarios climatiques prévoient dans les régions, et cela à l'échéance d'une cinquantaine d'années. Précision là encore des scientifiques. Alors, ils imaginent trois issues possibles pour nos manchots, ceux que nous aimons beaucoup, les royaux. Mais nous faisons un signe aussi aux empereurs, ceux-là d'Antarctique. Bref, soit les individus les plus costauds pourront s'en sortir, soit toute l'espèce devra trouver d'autres ressources alimentaires, soit enfin, on assistera carrément à une disparition des colonies. Pour avoir vu des rassemblements d'un million d'aptonodis ensemble, réunis à Kerguelen, on ne peut que maudire le désordre climatique universel. Bonjour Jean Audouze. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir Sergent. Bonjour. Bah Forget, mais qu'est-ce que je raconte ? Forget. Forget, on a fait cette plaisanterie en remarquant que vous aviez une consonance anglaise dans le mot. Voilà, il faut tout dire quand on est en direct. Et donc, François Forget, je rends à François Forget, donc son nom. Première question, pourquoi ce moment de ce long itinéraire d'astrophysicien, vous avez dirigé l'IAP, entre autres, l'Institut d'astrophysique de Paris, Jean Audouze, écrire à quatre mains avec Johan Kieken cet ouvrage, Les secrets du cosmos, qui retrace, et c'est un peu votre histoire à vous de l'astrophysique. Parce que, effectivement, on a vécu des moments absolument fabuleux pendant ces 50 dernières années, et je souhaitais mettre ça en perspective. En fait, on s'aperçoit que si on résume l'histoire de l'astronomie en deux morceaux, il y a d'une part un moment où c'est seulement l'esprit et les yeux des hommes qui ont fonctionné, et puis brutalement, à partir, disons, du 19e siècle, eh bien, l'astronomie se transforme en astrophysique, c'est-à-dire qu'on a des instruments, on commence par avoir des plaques photographiques, des spectrographes, et puis évidemment, dans les années plus près de nous, on accède à d'autres longueurs d'onde que le visible, et puis on va dans l'espace, et effectivement, par exemple, mon François Forget est l'un de ces astrophysiciens qui utilise le spatial à 100% dans ses recherches. Évidemment. Donc, oui, et puis j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, de diriger cet institut qui est maintenant, grâce à mes successeurs, devenu quelque chose d'assez bien, hein, puisque c'est là où on exploite les résultats du satellite Planck, qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc oui, j'avais envie de raconter cette belle histoire, parce que c'est vrai que elle commence dans les années 60, puis elle se poursuit jusqu'à maintenant, et véritablement, il y a eu des bouleversements, des révolutions. Je crois qu'on vit à un âge d'or de l'astronomie. François Forget, est-ce que vous avez lu ou rencontré le gros livre publié dans la collection Universalis sur l'astrophysique, dirigé par Jean Audouze, qui est un livre qui a fait autorité, évidemment, tout se dépasse hein, par les découvertes. Est-ce que vous l'avez connu, ce grand atlas? Non? Alors peut-être, je crois l'avoir lu, mais alors je l'aurais emprunté à la bibliothèque municipale. Ben oui. Ah, oui. Ça, je pense qu'il doit être épuisé, mais en tout cas, c'était un livre qui nous a fait beaucoup rêver. Et d'ailleurs, je peux dire aussi que j'ai beaucoup rêvé à faire le voyage vers Pluton pendant ce week-end de préparation d'émission pour aujourd'hui. Quand est-ce que vous avez su, François Forget, que vous alliez participer à cette aventure de cette sonde qui est partie en 2006? Alors ça faisait un moment que je m'intéressais à Pluton, avant même le lancement de la sonde. Par contre, j'ai officiellement été invité à rentrer dans l'équipe via un collègue qui s'occupe d'un des instruments. C'est une expérience d'occultation radio, c'est-à-dire l'expérience qui consiste à faire transmettre un signal radio, le signal radio de l'antenne de la sonde vers la Terre, en l'occurrence c'est plutôt dans le sens inverse, de la Terre vers la sonde, qui permet de mesurer des propriétés de l'atmosphère. Et donc l'équipe de cet instrument, qu'on appelle REX, l'occultation radio, m'avait invité à participer. Alors, non pas en tant que spécialiste d'observation, mais plutôt par rapport à d'autres activités que je fais qui sont liées à la modélisation numérique des des atmosphères, des climats, et on avait fait ça sur pas mal d'autres planètes, en particulier sur Mars. Et Pluton et Mars ont des points communs qui fait que on a pu facilement adapter nos modèles et amener quelque chose à cette équipe qui n'avait pas là-bas aux États-Unis. Donc on était très fiers de pouvoir participer à cette émission-là, à cette aventure-là. Et puis évidemment, c'était un plaisir extraordinaire de participer à une telle aventure, une mission comme sûr. Celle-là qui fait de l'exploration, bien sûr, la vraie exploration. Quoi. François Fanget, quand on regarde les dates, c'est assez curieux. 19 janvier 2006, boum, avec l'un des plus lourds lanceurs, la fusée Atlas, hein, que, très exactement Atlas V550, c'est la fusée ou le lanceur le plus puissant dont disposaient les Américains, envoie cette sonde qui fait... Elle n'est pas très lourde, alors qu'on pourrait mettre 10 tonnes hein, dans ce lanceur. Elle fait très exactement 470 kilos et elle s'appelle New Horizons, les nouveaux horizons. Alors c'est étrange parce que la même année, jusqu'ici on disait le système solaire, 9 planètes. Et voilà que se réunit sous la houlette de Catherine Czarski, oui, hein, spécialiste voilà. De la nucléosynthèse stellaire, elle, et première femme qui a été nommée à ce poste, donc de présidente de l'Union astronomique internationale, voilà que l'on décide de déclasser brutalement Pluton en disant « Allez, c'est une planète naine, ça fait partie des mini-planètes ». Mais rapidement. Mais il ne faut pas dire que c'est un déclassement, c'est plutôt... On avait le choix entre deux possibilités, et c'est vrai que l'Union astronomique internationale jouait le rôle d'un parlement, c'est-à-dire il y en a eu qui a été pour, on a voté. On avait le choix, ou bien, et je pense que la majorité des votants s'est ralliée à une nouvelle classification qui comprend des objets très intéressants comme Cérès, puis les Eris et compagnie. Donc les astéroïdes, c'est aussi très intéressant. Faut pas croire qu'il y a une hiérarchie. En revanche, on avait le choix où on passait de 9 à 8, ou on passait de 9 à 14, 15. Et je crois que c'est par conservatisme plutôt que par... Je crois que c'est la principale raison. Alors, c'est peut-être plus simple à apprendre. Alors évidemment, ça n'a pas... Non, il faut dire quand même que il y a eu quand même une communauté qui n'a pas trouvé ça très amusant. Ce sont les Américains qui, effectivement, parce que le Pluton a la caractéristique d'être la planète américaine, puisqu'elle a été découverte en 1930. Voilà. Vous savez pourquoi elle a été découverte? Parce que quelqu'un avait construit un télescope pour observer les canaux de Mars. C'est pour une mauvaise raison. Eh oui, d'accord. Lui, voilà. Eh oui, bien donc, sûr. Mais c'est amusant de. Eh oui. Et donc, c'est vrai que 2006, les Américains envoient un satellite important, formidable. D'ailleurs, on va parler, j'imagine. François Forget va nous indiquer les beaux résultats qui ont été obtenus par cette mission. Ah, bon, on va la décrire, c'est oui, sûr. Oui, voilà. Et mais. Et en même temps, effectivement, il y a eu un vote parlementaire qui a décidé de créer une nouvelle catégorie. On peut dire que, de toute façon, avec la ceinture de Kuiper, on a découvert beaucoup de... Vous en avez cité quelques-uns, donc on a découvert des astres qui étaient, en tout cas, des objets célestes, qui étaient presque de la grosseur de Pluton, qui a une particularité, je peux le dire tout de suite. D'ailleurs, je vais peut-être dire deux choses. Rendons à Clyde Tombaugh ce qui lui appartient, donc c'est celui qui a 26 ans et l'astronome qui a découvert donc Pluton. Et on peut peut-être rappeler aussi, pour bien installer le cadre, que grosso modo, toutes les planètes, donc les 8, évidemment pas la 9e qui n'est plus la 9e, tournent toutes dans un même plan. C'est bien ça, ce qu'on appelle absolument le plan de l'écliptique. Est-ce que, évidemment, Pluton est un petit peu excentré? Très excentré, on donnera même les chiffres. Un peu incliné et assez excentré. Oui. Oui. Et elle est petite. Il faut quand même rappeler que Pluton est un tiers, un rayon qui est le tiers de la Lune. Hein, c'est une petite chose. En tout cas, voilà que cette puissante fusée est lancée et elle va mettre combien de temps? Elle va mettre... parce que 9 heures après, elle a rejoint la Lune. Hein, j'ai relevé ça en 13 mois, Elle rejoint Jupiter, elle prend quelques photos au passage, mais on ne peut pas la ralentir. Hein. Elle est très puissante et il faudrait beaucoup, beaucoup d'énergie embarquée, de carburant pour la ralentir ou l'accélérer. Ouais, c'est l'objet le plus rapide que l'homme ait envoyé au départ de la Terre. Et effectivement, l'idée, c'était de mettre une fusée très puissante pour lancer à très haute vitesse un petit objet, donc de New Horizons, ce qui fait qu'elle a... Sinon, cette mission, avec si on n'avait pas fait ce choix, c'était une mission qui aurait duré 50 ou 100 ans. On ne pouvait pas s'offrir cela. Donc, il fallait, d'une part, partir vite, utiliser Jupiter comme, on appelle ça une fronde gravitationnelle. Hein, on utilise un peu l'énergie de Jupiter pour accélérer la sonde. Et puis, rejoindre Pluton, qui est quand même à 30 fois la distance Terre-Soleil, en moins de 10 ans. Donc c'était et ça a réussi avec une très grande précision. Oui. Et vous n'étiez pas dans l'inquiétude et vous n'avez pas souffert des mêmes affres et des mêmes angoisses qu'avec Chury. Et donc, cette comète sur laquelle on a été exposé et qui a évidemment apporté des résultats extraordinaires et exceptionnels, tout à fait inattendus. Ah oui, c'est quand même. Bien sûr. Il y a toujours des inquiétudes, hein. Par exemple, sur cette sonde New Horizons. Alors, effectivement, elle arrive tellement vite quand elle va croiser Pluton à presque 14 km par seconde. Donc, si vous réfléchissez, si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent de ce chiffre, quand on part de la Terre et qu'on sort pour toujours de la gravité de la Terre, la vitesse de libération, c'est 11 km par seconde. Oui. Et il faut une grosse fusée pour aller à cette vitesse-là. Ça veut dire que si on avait voulu freiner New Horizons pour qu'elle se mette en orbite, voire qu'elle se pose sur Pluton, il aurait fallu une énorme fusée. De la taille de la fusée du départ. Et évidemment, c'était pas possible. Donc, on est passé à très, très grande vitesse, mais on est passé tout près. On est passé entre Pluton et son satellite qui s'appelle Charon, qui fait la moitié de la taille de Pluton. Donc, c'est vraiment un système double. On en reviendra peut-être. Ah, on y reviendra sûrement. Et il y avait quand même un certain suspense, parce que on est jamais sûr quand on passe aussi près, donc comme ça, au cœur d'un système, s'il n'y a pas des poussières, des petits satellites qui traînent. Il y avait toute une grande... Vigilance. Pendant plusieurs mois avant, on a scruté tout cet environnement-là pour être sûr, et on a fait aussi des calculs pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière, parce que la moindre poussière aurait détruit la sonde. Or, là, le survol s'est fait en quelques heures, on va dire, donc le 14 juillet 2015, et comme il y avait tellement de choses à observer, la stratégie était que la sonde, pendant tout ce temps-là, au moment où elle serait au plus près de Pluton et de Charon, n'allait faire qu'observer et ne pas communiquer avec la Terre. Ce qui fait que, pendant 24 heures, on n'a pas eu de nouvelles, et il y avait un vrai suspense. Lorsque, au bout de 24 heures, la sonde s'est enfin tournée vers la Terre, a tourné son antenne vers la Terre et a transmis un signal pour dire « tout va bien, mes mémoires sont pleines ». En gros, c'était ça le sujet. Et quand le signal est arrivé, c'était quand même une libération, parce qu'on n'était pas sûr qu'elle survive parfaitement. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorges. Suite donc de notre visite dans le détail de donc cette mini planète, cet objet donc Pluton, là on rentre avec le dieu Hadès, on rentre pour la désignation des termes, là on va rencontrer Charon, on va passer le Styx. On doit dire Charon. Oui, Charon. Si on parle le grec, Charon. Voilà, alors c'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il va y avoir une petite querelle d'experts. Non. Une querelle très humaine. Non. C'est parce que l'histoire, c'est que l'astronome qui a découvert Charon, donc en 1978, a fait cette mesure. Alors c'était vraiment avec on voyait une tache comme ça qui se déformait autour de Pluton. On avait un doute. Et puis il a donc déterminé qu'il y avait donc un gros satellite autour de Pluton. Alors il s'est dit comment l'appeler. Et son premier envie, c'était de le nommer du nom de sa femme, qui s'appelait Charlène, mais que tout le monde, son surnom c'était Charon. Ah, oui. Et il s'est rendu compte que Charon, ça correspondait bien, puisque c'était lié au monde des enfers, Pluton, Charon, le Styx, etc. Et donc il a proposé ça. Ça a été accepté par l'Union Astronomique Internationale. Et en reconnaissance de cet astronome, eh bien, en tout cas dans l'équipe New Horizons, on appelle Charon, on ne dit pas Charon, à cause de Charlène. Ah, en tout cas, petite précision aussi, puisqu'on va rester quelques instants pour poursuivre dans la mythologie, c'est le Nocher. Oui. Hein, c'est un Nocher. des enfers. C'est-à-dire que c'est un hôte. C'est-à-dire que c'est celui qui fait, qui conduit l'embarcation. Et puis avant, il a demandé quelques sous, quelques oboles, pour ceux qui veulent traverser le Styx, fleuve terrible, qui amène donc les gentils aux Champs-Élysées et les méchants dans l'enfer où ils subissent des tortures infernales. En tout cas, ça vous a frappé, j'imagine, que vous avez vu que l'uranium tire le nom d'Uranus, plutonium. Et donc, les noms des planètes ont servi aussi à nommer tous les éléments très très lourds. Oui, bien sûr. Et on pourrait faire une émission sur la désignation des objets célestes, en particulier quand on a utilisé que des héroïnes shakespeariennes. Mais je voudrais revenir tout de suite à l'orbite excentrique, bizarroïde, de Pluton, qui est évidemment très très encore une fois incliné par rapport au plan de l'écliptique. Son orbite est quoi? C'est-à-dire son périhélie est à quel moment et c'est par rapport au Soleil? Comment ça se passe? Alors, donc elle est un peu inclinée. Oui. Donc c'est un orbite assez elliptique, ce qui fait que au plus près, en grosso modo, au plus près lorsqu'elle passe au plus près du Soleil, elle est à peu près à 30 fois la distance Terre-Soleil, 30 unités astronomiques on dit, et elle va s'enlignoyer jusqu'à 50 fois la distance Terre-Soleil, 50 unités astronomiques. Elle était au plus près là dans les années 90. Elle était même plus près que Neptune à ce moment-là. Et ça correspond à peu près à son équinoxe de printemps pour les spécialistes. Et donc voilà à peu près l'orbite qui dure 248 ans. Donc c'est quand même une histoire assez longue. Mais l'orbite étant aussi excentrique, si vous intéressez vraiment, on se met sur le monde de Pluton, on imagine qu'on y est. Ça a toutes sortes de conséquences parce que les saisons vont être de longueur très différentes. Alors on a un printemps. Alors comment vous dire? Alors on est actuellement pendant le printemps nord et qui dure une quarantaine d'années, alors que le printemps sud dure 80 ans. Et la planète, l'ensemble en fait de Pluton et Charon assez inclinée d'une soixantaine de degrés. En plus, elle tourne dans le mauvais sens, elle tourne dans le sens inverse de la Terre. Mais ça, c'est un sacré particularisme aussi. Hein. Oui, alors c'est certainement lié à l'origine du système, ça doit être lié à des impacts initiaux. En tout cas, c'est une orbite rétrograde. Mm-hmm. Ce qui fait, alors pour ceux qui veulent vraiment s'amuser, ce qu'on appelle l'hémisphère nord, ce n'est pas l'hémisphère qui est pointé vers l'étoile polaire, vous voyez, c'est pas vers le nord comme nous, le nord, c'est dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que quand même, on a besoin, quand on s'intéresse à cet environnement-là, à ce monde-là, que le Soleil se déplace de la même manière. Donc la norme, UAI, standard maintenant, c'est récent, c'est que le nord est pointé en fait vers le sud de la Terre. Bref, si vous m'avez compris, tout ça fait qu'une fois qu'on est bien dans le bon sens, on a le jour, l'écoulement de la trajectoire du Soleil, etc. C'est pas facile à se représenter. C'est mieux de voir un dessin en particulier. Ouais. Moi j'avais une question. Moi j'avais une question sur Pluton. Qu'est-ce que vous pensez de la... Enfin, il y a des astronomes, je ne sais pas si c'est la majorité d'entre eux, qui disent qu'il est possible que Pluton était un satellite de Neptune qui a été, disons par effet de marée, ou etc., qui est devenu ultérieurement, qui s'est mis à tourner autour du Soleil. Qu'est-ce que vous pensez Alors je vous propose de faire une réponse courte, parce qu'on va garder cette question bien sûr comme pierre d'attente, mais avant il faut quand même lui donner plus de visage. Alors allez-y, est-ce qu'il y a une réponse brève qu'on puisse donner rapidement à la question de Jean Audouze? C'était quelque chose de tentant, parce que Neptune a un satellite qui s'appelle Triton, qui ressemble beaucoup à Pluton par bien des aspects. Cependant, depuis qu'on a découvert des centaines, on pense qu'il y a de nombreux objets transneptuniens et certains assez gros qu'on appelle des plutoïdes, donc qui ressemblent finalement à Pluton, comme Eris, Makemake, etc. On a du mal à croire que toute cette population immense, on parle là de plus de 100 000 objets qui font plus de 100 km de diamètre, ils peuvent pas tous être à l'origine des satellites de Neptune. Donc on a plutôt tendance à plutôt se poser la question inverse, est-ce que Triton, satellite de Neptune, ne serait pas un plutoïde qui a été capturé par Neptune? Bon, retour sur Pluton. En tout cas, ces deux corps, ils tournent autour d'un point de gravité commun. Ils ont un point qui est évidemment extérieur à eux. C'est pas un soleil, là, dans ce cas-là. C'est un point, donc, exactement d'équilibre. Pluton, 2375 km de diamètre. Ah oui, à peu près. Je vous ai lu, hein, avec précision. Ah non, mais on a encore un petit débat au sein de l'équipe. Le rayon est de 1185, 1187 ou 1190 km. Ouais, bon, et Charon, deux fois plus petit. Allez, 1212 km. Alors, si on poursuit là encore, la période de rotation, cette fois autour du point de gravité est de 6 jours terrestres. Un peu plus, 6,300 quelque chose. Oui, vous le pardon. Non, non, mais 3,860. Alors ça a une importance parce que c'est non seulement la vitesse de rotation, mais comme les deux objets sont un peu comme la Lune autour de la Terre, présentent toujours la même face. Ils sont synchrones. Ils sont synchrones. Ça veut dire que ça correspond aussi à la durée du jour sur ce monde-là. Donc la durée du jour sur Pluton, comme sur Charon, c'est une petite semaine terrestre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de prendre ses pénates sur Pluton ne voit toujours que la même face du copain Charon. S'il est du bon côté, ouais. Sinon, il la voit jamais. Sinon, il la voit jamais. Comme la Lune. Comme nous, la Lune. Eh oui, comme nous, la Lune, bien sûr. Ben oui. Donc, on a noté que Pluton était donc rétrograde. Et puis, il faut parler aussi, parce que ça va continuer. Là, on va être dans le royaume des enfers. Hein, on va être dans le sous-sol. D'ailleurs, c'est étrange, parce que Pluton, il est toujours représenté avec... une espèce de coiffe de lièvre ou de lapin qui lui a été donnée par les cyclopes. Et il a la capacité de rendre les gens invisibles. C'est un drôle de Toto dans la mythologie. Alors là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, concernant Charon, découvre, et Pluton, ce système double, donc maintenant, 4 autres petits satellites. Alors, en 2005, Nix, la mère de Pluton, 36 kilomètres. En 2011, Kerberos, vous avez compris cette fois que c'est Cerbère, ce chien à trois têtes, très méchant, comme d'ailleurs celui qui mène la barque, le nôtre, de 10 à 15 kilomètres. Et 2012, Styx, le fleuve cette fois, bien connu, hein, celui que fait traverser Charon. Et cette fois, la taille, c'est... alors. Entre 10 et 5 kilomètres. Alors, on a oublié Hydra. Il y a deux gros. Ouh, j'ai oublié Hydra. C'est Nix et Hydra, qui ont été découverts en 2005. Et puis, donc, effectivement, Kerberos et Nix, qui sont un petit peu plus petits d'une dizaine de kilomètres. Alors, on les a bien observés maintenant avec New Horizons. On connaît bien leur taille. D'accord. Est-ce qu'il y a un premier commentaire? Est-ce que, Jean-Audouze, vous avez envie de dire quelque chose d'abord sur ce système? Qui est quand même un système entier, parce qu'il y a ces deux là, avec sa c'est vrai que Pluton et sa petite lune. Là. Mais dans les planètes géantes, les satellites sont généralement sont très proches de la planète mère. Ouais. Mère, ça, par exemple, c'est le cas de Jupiter, c'est le cas de Saturne. Donc il y a vraiment deux mondes, les planètes telluriques. D'abord les planètes telluriques, il y a quasiment pas, il y a la Lune, point. Puis il y a deux petits cailloux qui tournent autour de Mars. Donc effectivement, je trouve que non, Pluton se comporte comme, enfin de ce point de vue-là, comme le pourtour de, ça se comporte comme Neptune ou comme Uranus ou comme comme Jupiter. Non, moi ce qui est vraiment fascinant dans cette New Horizons, c'est, moi j'ai vu les photos, hein, c'est de voir. On va rentrer dans le détail. Alors si, il y a quelque chose moi qui me sidère, c'est que malgré sa petite taille, eh bien Pluton a une petite atmosphère. Eh oui, bah ça on va être, ça va rentrer dans la. Ça c'est vraiment ça, mais, ça me. Mais le paysage est étonnant, hein, c'est un paysage de glace. On va le voir dans plus de détails. C'est drôle parce que vous avez dit tellurique, vous utilisez rocheuse ou terreuse, hein. En parlant des planètes, parce qu'évidemment, il y a comme la Terre, celles qui sont en direction du Soleil, qui sont les telluriques, et puis après, si on regarde les grosses vilaines, ou très belles, Pluton ne ressemble pas aux trois autres. Oui, c'est ça. Puisque, évidemment, Neptune, Saturne et Jupiter ont une atmosphère énorme. Et oui, bien sûr. Mais il y en a une petite quand même. Et vu la taille de l'objet, c'est assez assez étonnant. Et peut-être on va avoir l'explication. Alors, est-ce que François Forget, vous avez été, disons-le rapidement tout de suite, avant que nous ayons notre petite respiration musicale, qu'est-ce qui vous a immédiatement le plus étonné? Dans la conformation, ce système, parce que dans l'article que vous avez donné pour la revue pour la science, et dans les questions auxquelles vous avez répondu pour la revue La Recherche, comme ça tout le monde est content, c'est vous-même donc encore une fois qui donnez les réponses, c'est que ça forme système, c'est un vrai système pour vous. Ce qui était... on savait quelques petites choses avant. C'est même amusant de s'intéresser, quand on s'intéresse aux méthodes scientifiques, avant que New Horizons survole Pluton, on savait rien de à quoi elle ressemblait, puisqu'on avait, avec le meilleur télescope, par exemple Hubble, hein, qui nous permet d'obtenir la meilleure résolution, ça ne correspondait qu'à quelques pixels, donc on voyait que c'était brillant, avec quelques taches sombres, mais c'était pas très clair. Mais grâce à en utilisant de la spectroscopie, en utilisant la méthode qu'on appelle les occultations stellaires, c'est lorsqu'on laisse, la Terre, Pluton et des étoiles au-delà s'alignent, on peut voir, vu de la Terre, on a l'impression qu'une étoile passe derrière Pluton, on peut sonder l'atmosphère. Alors on avait bien appris qu'il y avait une atmosphère. Et oui, il y a un jeu de contraste. On savait qu'il y avait certains gaz, que c'était de l'azote avec un peu de méthane. On avait, avec la spectroscopie détectée, on savait qu'il y avait des glaces d'azote à la surface, des glaces de méthane, des glaces de monoxyde de carbone. Que tout ça est à très très basse température, autour de moins 235 degrés Celsius, hein, et quelques 40 degrés Kelvin. Et donc on imaginait un peu des choses. Ça caille. Alors, quelle était la délicieuse surprise pour moi? C'est de voir qu'il y avait tellement de glace finalement, en particulier dans une zone précise, qui en forme de cœur, c'est très amusant. Qu'on va décrire. Tellement de glace que ça forme des glaciers qui coulent, ça fait des paysages magnifiques, et que l'atmosphère est suffisamment riche en termes d'activité photochimique, en chimie, pour former des brumes organiques et qu'on peut la voir visuellement. Voilà, donc c'est la beauté de ce monde-là qui m'a sidéré. Finalement, c'était à la fois des paysages magnifiques car sculptés par la glace, et une atmosphère magnifique car pleine de brumes et d'aérosols qui forment une structure magnifique à voir. Et hop, voilà passé le mi-temps de ce rendez-vous, ce numéro de Continent Science, toujours en voyage à regarder sous tous ses coins et recoins le système de Pluton, et toujours en compagnie de Jean Audouze, qui, avec Johan Kieken, a écrit Les Secrets du Cosmos, qui est son dernier livre, il en a fait beaucoup, et avec François Fangette, qui, lui, est dans l'équipe des Nouveaux Horizons, qui regarde donc ce système. Grosso modo, il faudrait faire un bond de 4 milliards et demi de kilomètres, quoi. À peu près. 30 fois la distance Terre-Soleil, c'est l'unité qu'on utilise en, 150 000 en planétologie, c'est l'unité astronomique. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'unité astronomique. Alors, évidemment, vous pourriez d'ailleurs remarquer, Jean Audouze, vous pourriez confirmer ce que je vais dire, c'est que il y a eu, évidemment, à partir du moment où on a regardé, et dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'on a plus concentré seulement notre moyen d'observation des corps célestes dans l'optique, dans le spectre du champ électromagnétique, mais qu'on a regardé dans toutes les longueurs d'onde, dans toutes les fréquences, et là, ça a révolutionné évidemment les figures de l'univers que l'on avait, on les a superposées, hein. Bien sûr. Le confirmer, hein. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que chaque longueur d'onde donne des informations très différentes. Et oui, par exemple, les molécules, les molécules, c'est dans l'infrarouge ou dans le millimétrique, et c'est pas dans le visible. Je veux dire, et donc en ayant effectivement accès à tout ce spectre, évidemment, on a une meilleure connaissance. Ça se limite pas aux planètes, bien sûr, mais à l'ensemble, à étoiles, galaxies et les milieux qui gravitent autour, à savoir gaz interstellaire, interplanétaire, intergalactique. Et, oui. Et donc, effectivement, on a maintenant, d'une part, le spatial permet d'emmener des véhicules comme New Horizon très près de la cible, mais en plus on a une palette des visions très différentes. Par exemple, pourquoi on additionne, c'est une sommation d'informations. Par exemple, récemment, il y a eu les ondes gravitationnelles. Oui. L'intérêt, on ne va pas en parler parce que peut-être... Nous en parlâmes plusieurs fois. Vous en parlâtes. Eh bien, mais c'est une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que grâce aux ondes gravitationnelles, on voit autre chose. Un médium nouveau. Et donc, c'est un petit peu, c'est ça l'intérêt de la survie. Enfin, je trouve... Ce qu'on vit en ce moment, c'est que année après année, on accumule. Enfin, à la fois, on envoie des sondes visiter les corps qui nous intéressent, et d'autre part, on a des télescopes. On perfectionne la réception des messagers, si je puis dire. Hein, c'est ça. Alors, retour sur notre couple. Premier étonnement, donc, revenons sur cette affaire d'atmosphère, à la surface -170. Et puis, à 15 km, il y a une zone de transition, si je ne me trompe pas. En tout cas, quelle est la température qui est dans la haute atmosphère? Alors, parce que là, il y a un drôle de contraste, semble-t-il. C'est ça qui est amusant. On part de la surface elle-même, elle est très très froide. Elle reçoit très peu d'énergie solaire. Vous imaginez l'énergie du soleil reçue par une planète dépend de sa distance au carré. Donc, 30 fois au carré, voilà, on reçoit 1000 fois moins d'énergie que sur Terre. Résultat, vu que la surface est en plus relativement brillante, elle réfléchit beaucoup l'énergie solaire, la température de surface est de l'ordre de, encore une fois, moins de 235 degrés. Mais ce qui est assez particulier sur Pluton, par rapport à toutes les autres planètes qu'on connaît et qui ont une atmosphère comme Pluton, la Terre, Mars, etc., c'est que l'atmosphère elle-même est plus chaude, nettement plus chaude. Elle monte, la température juste au-dessus de la surface monte rapidement, en quelques kilomètres jusqu'à une centaine de degrés Kelvin, moins 160 degrés. Elle fait rien comme personne, hein, c'est quand même incroyable. Donc on a, pour ceux qui connaissent un peu, on a directement une stratosphère juste au-dessus de la surface. Et ça a des conséquences en termes de... Quand on s'intéresse, comme moi, à la dynamique de l'atmosphère, la météorologie, c'est un peu particulier, c'est un cas intéressant, une espèce d'objet comme ça, exotique, à étudier. Alors, une des grandes surprises de New Horizons, c'est que découvrir que la haute atmosphère, encore au-dessus de ce niveau où elle atteint une centaine de degrés Kelvin, moins 73 Celsius, elle se refroidit à nouveau. Alors ça, c'était complètement assez inattendu. Mon collègue Bruno Sicardi, qui a observé cette atmosphère avec des méthodes depuis la Terre par occultation stellaire, dont je parlais tout à l'heure, me dirait « mais non, on s'y attendait ». Mais bon, on était quand même surpris. La haute atmosphère est beaucoup plus froide que prévu, ce qui a un certain nombre de conséquences intéressantes pour nous, parce que l'échappement de l'atmosphère est bien, bien moindre que ce que l'on pensait, ce qui expliquerait pourquoi on a autant d'atmosphère sur cette planète, etc. Bref. On a une structure atmosphérique assez exotique avec cette stratosphère juste au-dessus de la surface, puis une circulation atmosphérique qu'on essaye d'étudier maintenant avec nos modèles et les observations. Alors, Jean 12. Moi, je voulais, enfin, ce que vous venez de dire concernant Pluton me fait penser. Alors, évidemment, les atmosphères n'ont aucune, les ordres de grandeur sont pas du tout les mêmes, mais Vénus, par exemple, a une atmosphère très très chaude, enfin par rapport au sol de la, encore plus chaude. Ah non, c'est l'inverse. Ah bon ? Sur Vénus, on a vraiment une surface très chaude. Alors là, cette fois-ci, on a 450 degrés Celsius, mais au-dessus, très rapidement, la température diminue. Oui. La température diminue de manière continue, de plusieurs degrés par kilomètre, et jusqu'à atteindre une température comparable à celle de la Terre, à la pression terrestre. Oui. Donc c'est vraiment l'inverse. Non, on a vraiment quelque chose d'inverse, alors, je dirais, sur Pluton. Alors qu'est-ce qui explique Ce qui explique cela, c'est que la la surface elle-même... Attention, écoutons bien parce que c'est pas simple. C'est pas trop compliqué, alors... je suis sûr qu'on va comprendre. La surface elle-même, elle est chauffée par le soleil, oui. Mais elle se refroidit en rayonnant dans l'infrarouge thermique, ce que font tous les corps. L'atmosphère, elle est essentiellement composée d'azote. L'azote, c'est comme sur Terre, il n'interagit presque pas avec la lumière du soleil. Par contre, il y a 0,5% de méthane. Et oui. Et ce méthane, lui, absorbe le rayonnement solaire, donc il chauffe. Mais cette atmosphère, elle a pas de molécules capables de rayonner, de refroidir dans l'infrarouge thermique. Résultat, son équilibre est beaucoup plus chaud que la surface. D'où cette stratosphère en altitude. Voilà, c'est un peu technique, mais si on connaît un peu le thermique, le visible, on peut comprendre. Alors, allons maintenant, parce que là encore, il va y avoir des malices de désignation, et puis surtout, là, survolons Pluton, et d'un seul coup, on va rencontrer un grand cœur. Ça a été l'inter qui a été utilisé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, donc ? Un cœur brillant. Ah, faut dire, évidemment, que bon, tout est gelé, enfin, pratiquement partout, ça peut couler, on verra, ça peut être dans une attitude ou dans une phase gazeuse, ainsi de suite. Mais, en tout cas, un cœur brillant et qu'on va baptiser, alors, attention, Tombos Regio. Qu'est-ce à dire, d'abord ? Qui est ce Tombos Regio ? Alors, Tombos Regio, c'est bien la région de Tombos. Et bien sûr, Tombos, c'est en référence à Clyde Tombos, dont on a parlé tout à l'heure, le jeune astronome de 24 ans, qui avait été embauché à l'observatoire Lowell en Arizona. Oui, très bien. Et qui avait découvert cela. On pourra reparler des noms sur Pluton. C'est amusant, parce que quand on découvre comme ça un nouveau monde, tout d'un coup, on doit nommer des dizaines de régions. Alors, on va en parler tout en faisant le portrait de la Pluton. Pluton. Que sur la partie gauche, il y a un drôle de nom, là encore. Hein. Alors, revenons à... Donc, un cœur brillant. On a effectivement Pluton, donc on a toute une partie avec un certain relief, des failles, des structures, un peu marquées par des cratères, donc une croûte assez ancienne. Une croûte, il faut savoir que lorsqu'on mesure la densité de Pluton, ce que l'on peut faire, on connaît sa taille, vu qu'elle est en orbite autour de Charon, on connaît très très bien sa masse, et cela permet de... d'estimer sa densité. Quand on connaît sa densité, on peut déterminer qu'elle est à peu près constituée de 2/3 de cailloux, hein, de silicates, comme sur Terre, et d'un tiers de glace d'eau. Ce qui fait que tout le manteau extérieur, on est sûr que c'est de la glace d'eau. On a à peu près une couche de 300 km d'épaisseur de glace d'eau qui forme non pas la croûte, mais le manteau extérieur. Toute petite incise, François Forget, il y a bien un petit cœur rocheux, au centre. On a même un assez gros, oui, cœur rocheux, petit par rapport à la taille, oui, bien sûr. Voilà, on a trois couches de 300 km, et puis derrière, vous faites le calcul, ça nous met 800 km de cailloux jusqu'au centre, donc sur l'oreille. Donc ça chauffe là aussi. On a à peu près un tiers, voilà. Puisqu'il y a des réactions qui sont. Certainement. Oui. Ah bah oui. Donc on a, dans la plupart une grande partie de la surface de Pluton, c'est en fait de la glace d'eau. Ce qui correspondrait à du caillou sur Terre, c'est de la glace d'eau sur Pluton. Mais à ces températures-là, la glace d'eau se comporte comme du caillou, effectivement. C'était extrêmement rigide. On n'a pas du tout ce comportement de glacier qu'on connaît sur Terre. Ce qui fait qu'on forme des montagnes, des failles, on pense même qu'il y a des volcans formé de glace d'eau. Mais de grande taille. D'assez grande taille, oui. 3000. on a trouvé ce qu'on appelle donc des volcans cryogéniques, c'est-à-dire que une volcanologie assez. Volcans cryogéniques. Eh oui, cryogéniques, du nom de la glace. Jean 12. C'est incroyable. Hein. Ben, oui et non, parce que en cela, enfin, je veux dire, des geysers, enfin, des endroits où il y a de l'eau qui sort, il y a d'autres corps. Tout à fait. Donc la lave est remplacée par de l'eau et d'autres gaz possible. Et puis, alors, effectivement, au milieu de ce monde qui est plutôt marron, on y reviendra parce que, j'ai mentionné tout à l'heure le méthane, sa forme, quand il expose au soleil, au rayonnement ultraviolet, ça fait des réactions chimiques qui forment des espèces de suie, des molécules un peu plastiques comme ça, qui se posent à la surface, qui rend toute une partie de Pluton une couleur un peu marronasse, avec des montagnes de glace d'eau, couvertes donc de cette suie un peu sombre. Et au cœur de ça, sur le point à l'opposé de Charon, au point anti-Charon qu'a survolé New Horizons, on voit effectivement ce cœur très brillant. Et là, quelque chose de tout à fait différent. On se rend compte que, surtout dans la partie gauche de ce cœur, on a là un gros glacier qui est plus grand que la France, hein, plus de 1000 km de diamètre, qui est en fait un glacier essentiellement composé de glace d'azote. Et ce qui est très intéressant... Quelle couleur ? Ah bah il est blanc, il est vraiment très très brillant avec un il réfléchit, enfin voilà, c'est sans vraiment à de la neige, à l'œil humain, on voit, on a l'impression de voir de la glace. Quelle mosaïque. Et ce, d'autant plus que, à cette température-là, donc, l'azote est, étant peut-être solide. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à cette température-là aussi, cette fois-ci, contrairement à la glace d'eau qui, elle, est rigide comme du caillou, la glace d'azote va couler, peut former des vrais glaciers comme sur Terre, un peu comme le Groenland. Ce qui fait que tout ce gros glacier, cette calotte glaciaire, est entourée de, bah, de véritables glaciers qui coulent, qui sculptent les montagnes qui sont sur les côtés, un peu comme les Alpes ont été sculptées, un peu comme Yosemite, un peu comme le bord. Ce à quoi ça ressemble vraiment beaucoup, c'est un endroit que je, personnellement, il se trouve que j'ai fait quelques expéditions polaires que je trouve extraordinairement beau, ce sont en fait les bords des régions des Inland Seas, donc par exemple la côte est du Groenland, qui est composée de roches extrêmement escarpées. Si parce les que auditeurs, la glace... je vous interromps, je fais une petite insiste, si les auditeurs pouvaient vous voir, vous êtes en train de sculpter dans l'air tous les éléments de ce paysage composite que nous sommes en train de visiter. François. Oui, avec enthousiasme, parce qu'il se trouve que ces paysages-là, tout le monde le sait, c'est vrai que c'est ces paysages sculptés par les glaces qu'on connaît dans les Alpes, en Californie, et bien sûr, de nos jours, au Groenland, ce sont les paysages parmi les plus beaux qu'on puisse trouver, avec des falaises gigantesques. Et on a justement trouvé ça sur Pluton, et donc c'était magnifique de trouver des paysages aussi beaux avec ces immenses montagnes de 3000, 4000 mètres de haut, avec des entourées de falaises sculptées par la glace d'azote qui coule autour et qui forme des vrais glaciers. On les voit couler, on voit des stries, des moraines un petit peu, et donc c'est assez enthousiasmant. Il y a même des phénomènes encore plus exotiques que on va y, on va y venir, parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas faite, peut-être que vous avez la réponse en 12, mais je la pose quand même aux spécialistes, si vous permettez. Cette histoire de, enfin plus exactement, cette partie qui est formée d'une calotte glaciaire qui fait 1000 km grosso modo de long, vous avez parlé de circonférence, vous l'avez appelé comment ? Alors c'est les... il y a eu... C'est quoi cette histoire ? Ce qui est marrant, c'est que l'équipe New Horizons, en prévision du survol, nous savions, enfin je dis nous, ils savaient qu'il faudrait nommer de très nombreuses régions, des montagnes, des cratères, et puis des zones comme celle-là. Et donc il y a eu la mise en place d'un site web. Pour les nommer. Il y a eu la mise en place d'un site web pour proposer des noms. Et alors il y a eu différents thèmes. Dans la tradition de Pluton, il y a eu la proposition d'utiliser des noms venus du monde des ténèbres, de la mythologie, mais aussi de la mythologie moderne. Par exemple, vous avez Cthulhu Regio, qui est une grosse zone sombre. Cthulhu, ça correspond à l'œuvre de Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Et puis, pour les amateurs, il y a le Balrog Makula, qui correspond au Balrog de Tolkien, que tout le monde connaît grâce au film Seigneur des Anneaux, etc. Et puis, il y a toute une partie des noms qui correspondent à des vaisseaux spatiaux qui ont déjà beaucoup de succès. Donc, il y a la région Voyager, la région Viking de la sonde martienne. Mm-hmm. Mais la zone la plus intéressante, celle dont je parlais à l'instant, a été nommée du nom de Spoutnik. Et moi, j'avoue, j'ai trouvé ça formidable. Spoutnik Planum. Parce que Spoutnik, à la fin des années 50, c'était quand même quelque chose qui avait donné une grande baffe aux États-Unis de l'époque. Et là, il y a quand même, mes collègues de l'équipe, je les connais un peu. Ils ont pris un bon plaisir à vraiment reconnaître a donné à la zone la plus intéressante de Pluton, découverte par une sonde de la NASA, le nom de Spoutnik, ce qui est très chouette. Alors on arrive à la singularité des singularités, puisque quand on regarde cette partie, elle est composée, cette calotte, donc comme pavé, dites-vous, de vastes polygones d'une vingtaine de kilomètres de large, dont on ne comprend pas encore l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est là ? Ça fait des polygones ? Ça cristallise d'une certaine manière ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ce terrain ? Si on montre ça à un géologue terrestre... Polygone, ça veut dire quoi déjà ? C'est juste que ça forme des espèces de... On voit des formes... Vous prenez l'avion et que vous êtes en haut de l'atmosphère, vous allez vers Hawaï par exemple, pour observer, on voit justement ces structures. Vous n'avez pas dit Hawaï au hasard, hein. C'est quand vous avez été visiter le télescope, je suppose. Bah, évidemment, oui, bien sûr. Alors, donc, la formation de ces formes géométriques. Quand on voit ça au premier ordre, en fait, c'est des une géométrie en géologie qu'on connaît bien, parce que c'est des choses qu'on voit par exemple dans le permafrost, donc dans les zones glacées sur Terre, mais à des échelles beaucoup plus petites. Là, on parle de polygones de justement de 10-20 km de large. Et en fait, la théorie qui commence à dominer maintenant, parce que on a plusieurs indices convergents qui semblent la confirmer, c'est que ce serait la signature d'une, ce qu'on va appeler la convection solide dans le glacier lui-même. Donc, il faut imaginer que ce gros glacier, ce gros tas, on va pas dire ça autrement, cette grosse accumulation d'azote gelé, de frais plusieurs kilomètres d'épaisseur, voire plusieurs, on va dire une dizaine de kilomètres d'épaisseur, et serait un petit peu chauffé par en dessous, et donc on aurait de lents mouvements convectifs, donc avec de la glace chaude qui monte, etc., et ça structurerait, c'est quelque chose qui est bien connu en mécanique des fluides, la surface en forme de polygone. Ce qui fait que, on aurait ce serait la signature de mouvements convectifs très lents dans cet azote glace solide qui est un petit peu fluide. Et alors, on a le senti, ça semble confirmé parce que au niveau des zones où on a le sentiment qu'il devrait y avoir de connexion, on va dire, de cette convection, il se trouve que là s'accumulent des différents résidus, et notamment des espèces d'icebergs de glace d'eau solide qui flotteraient à la surface de l'azote, puisque là on se retrouve dans une situation extrêmement exotique par rapport à la Terre. Sur la Terre, on est habitué à ce que les glaciers soient au-dessus des montagnes de cailloux, de silicates. Bien sûr. Là, en l'occurrence, le manteau, c'est de la glace d'eau, et cette glace d'eau est plus légère que la glace d'azote. Ce qui fait que le glacier lui-même est capable de transporter des icebergs, et on en voit certains qui font plusieurs kilomètres de haut, qui flotteraient sur la glace d'azote, et ils sont accumulés dans certaines régions à cause de ces mouvements convectifs. Alors tout ça est très spéculatif, on a découvert ça il y a quelques mois, les modèles numériques qui vont confirmer cela sont en cours d'élaboration. C'est assez amusant en tout cas à observer parce que c'est très beau. En tout cas, il y a du travail d'analyse déjà parce que, évidemment, la situation technologique de l'époque 2006, quand cette sonde a été lancée, grosso modo, la base de données actuelle de toutes ces informations recueillies, ça tiendra dans un téléphone, hein, c'est l'image qu'on peut donner. Et qu'il faut beaucoup de temps, donc là il va y avoir une actualité et une actualité de découverte jusqu'en septembre, c'est la date que septembre-octobre 2016. Oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, même si les observations qui ont été accumulées, surtout en quelques heures autour du 14 juillet, on les a pas reçues instantanément, même si on a accumulé que quelques gigaoctets de données. Le débit de données pour ramener ça vers la Terre, avec l'antenne et la puissance disponible, ça prend des mois. Et effectivement, bon, on a quand même maintenant, nous sommes en février, on a déjà reçu quand même une grande partie, on avait quand même, l'équipe a mis en des priorités. Ce qui nous reste à recevoir, ça reste quelques images haute résolution, beaucoup de spectres, quelques mesures techniques. Donc j'espère qu'on aura encore de bonnes surprises. On en a toutes les semaines. Toutes les semaines, on reçoit un flot de données. Il y a de temps en temps des bonnes surprises. Mais normalement, on a reçu l'essentiel des choses les plus intéressantes. Et puis parmi ces données-là, finalement, ça me permet de faire le lien à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Jean Audouze exprimait tout à l'heure, c'est que finalement, une mission comme New Horizons, c'est aussi une mission qui est bardée de capteurs qui observent quelque chose comme Pluton sous toutes les coutures, c'est-à-dire en termes d'astrophysiciens, à différentes longueurs. Donc on a un spectromètre ultraviolet, des caméras visibles, un spectromètre infrarouge, un système pour observer dans les ondes radio. Donc on a un petit peu, c'est un petit représentant de l'astrophysique moderne en quelques kilogrammes envoyé aux confins du système solaire. Et puis il n'a pas fini. Jean 12. New Horizons n'a pas fini ça. Son voyage, parce que, enfin, ce qui est prévu, moi, ce que j'ai lu en tout cas, c'est qu'il va jusqu'en 2020, il va rencontrer un autre objet, on ne sait pas lequel encore, hein, je crois. Alors, si, on a. On sait maintenant, vous le savez. On a donc sélectionné. Là, Jean 12, vous avez grillé ma dernière cartouche. Bon, alors je vais attendre la dernière cartouche. Évidemment, parce qu'on ne va pas s'arrêter. Évidemment, pas là, il y a encore un petit point, mais on va y revenir. En tout cas. Non, je ne peux rien dire. Non, si. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous voyez que je le prends avec beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que ça va se poursuivre. Moi, je voulais vous poser la question, Jean Audouze. Est-ce que vous êtes étonné encore de tels particularismes? Parce que rien que cette affaire de polygone, hein, c'est tout à fait. Alors, est-ce que vous gardez là encore cet émerveillement? Oui et non. Vous suivez le feuilleton ? Alors, je vais dire oui parce que, bien évidemment, tout ce qu'on vient de décrire, c'est fabuleux. Je veux dire, manifestement. Mais en même temps, on sait déjà que le système solaire est rempli de choses totalement spectaculaires. Il ne faut pas oublier que... Vous pensez à la ceinture de Kuiper en particulier Non, je pense... Prenons simplement un petit noyau de comète, oui. Je veux dire, avec tout ce qu'a apporté Rosetta, hein, en termes de... Il y a peut-être des molécules biologiques, enfin, ou des... Lorsque vous avez... il y a un autre satellite, enfin, il y a Cassini, qui donc survole Saturne et ses satellites, et puis il y a eu Huygens, qui a atterri sur Titan, et là on a vu d'autres choses encore. Hein. Titan, alors là il y avait beaucoup de reliefs, par exemple sur Pluton. Là, au contraire, Titan, ça paraît très plat, très. Ce que je veux dire par là, c'est que vous regardez, quels que soient les satellites, les planètes, c'est chaque fois différent. Singulier. Original. Alors, petite question quand même, parce que, à cette occasion, d'une certaine façon, vous me l'a soufflé cette question, Jean XII. Certains tiennent à dire que la planétologie, ça forme système. Or, on voit que des singularités, et évidemment, on a la généralité universelle des analyses chimiques. La table de Mendeleïev reste la table de Mendeleïev. Est-ce que ça forme système ou pas? Parce que c'est une collection de curiosités. Mais ça peut être à la fois une collection, c'est un petit peu... Vous avez, par exemple, dans le vivant, vous avez parlé d'un certain animal, vous avez à la fois de l'unité et de la variété, C'est vrai. Le mot oiseau représente des choses extrêmement différentes, mais je crois qu'on est dans la même situation qu'en biologie, je veux dire. On a à la fois du singulier et puis des lois un peu générales. Alors ce qui va être intéressant, c'est que on va continuer à suivre New Horizons, mais dans quelques années, dans très peu de temps, on va envoyer, au contraire, on va aller très près du Soleil, on va aller voir Mercure avec Bepicolombo. Ça va être fabuleux. Et je suis sûr que là, il va y avoir encore des surprises. C'est vrai qu'on ne la connaît pas bien, Mercure. Hein. Mercure, on ne la connaît pas bien du tout. Oui. On sait qu'il n'y a pas d'atmosphère, que ça ressemble à l'extérieur un peu comme la Lune, mais je suis sûr qu'il va y avoir des choses étonnantes qui vont apparaître. Donc on vit vraiment une période fabuleuse. Année après année, l'année dernière, 2015, c'était Rosetta et c'était New Horizons. Maintenant, on a les ondes gravitationnelles. On va en plus bientôt Virgo va rentrer en opération. Vous savez, Jean XII, on aurait pu le dire, on aurait pu avoir les mêmes mots au moment où vous avez publié ce magnifique atlas. Oui, bien sûr. Parce que c'était déjà de l'émerveillement à chacune des pages. Tout à fait. Ça se poursuit, là encore. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour dire que ça coûte rien. C'est-à-dire que ça coûte 1 euro par Européen, la recherche spatiale. 1 euro. Oui, c'est-à-dire que ça coûte rien de découvrir notre univers. Tout à fait. Et ça ne coûte rien et c'est fabuleux. C'est André Braille qui répète tout le temps cette phrase. André Braille a raison. Et d'autre part, c'est vraiment... C'est une, de mon point de vue, une des belles aventures humaines, je veux dire. On a été voir Pluton, et c'est vrai que moi, je suis émerveillé. Très bien, vous n'êtes pas le seul. Alors, dernière question, rapidement. Vous dites que c'est très horloger, parce qu'il y a tellement... Ce système, on ne pourrait pas mettre une lune en plus. Ça serait le chaos. Donc, tout est parfaitement organisé, et d'une certaine manière, c'est un jeu pour ce qu'on appelait les astronomes avant, de façon stricte, pas astrophysiciens, et qui ont là une manière de calcul formidable. Hein, un jeu pour faire du calcul céleste, de la mécanique céleste, formidable. Juste le mot de la fin. Alors effectivement, là, on revient sur cette idée que Pluton, Charon et tous les satellites forment un système. C'est vrai qu'il est magnifique, c'est une magnifique horlogerie céleste qui a plein de caractéristiques très originales. Les différents petits satellites sont très proches l'un des uns des autres. Quelque chose qu'on n'a pas noté, mais qui est amusant, c'est que toutes les autres lunes du système solaire sont toujours en rotation synchrone, sont bloquées comme la Lune autour de la Terre. Cette fois-ci, elles tournent tous n'importe comment, donc c'est nouveau. Et puis, pour le mot de la fin, c'est de dire qu'effectivement, ce qu'on a découvert avec New Horizons, ce qu'on a confirmé, c'est que ce cette petite planète naine, glacée, inutile, on s'est rendu compte que c'était finalement un monde extraordinaire, un système compliqué, et puis aussi l'ambassadeur d'une immense population qu'on a découvert. Très bien, j'espère qu'on l'aura fait comprendre. Des objets translépides. Merci, merci à vous François Forget. Merci Jean Audouze. Je redonne le titre de votre ouvrage, Les Secrets du Cosmos. Il est édité aux éditions Vuibert. C'était bien sûr Continent Science. À la console technique aujourd'hui, Marie Jovorski. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. La réalisation, d'Annie Journeau. Stéphane Delisgeorges. Continent Science est balade diffusée. Si vous voulez réécouter cette émission, vous connaissez la manière. Vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.